d'une rivière aussi qui la batte environ. Des creniaux en haut remireront le doux pays et la contrée qui douce France est appelée. Et s'il est adroit récité, il sillon la meilleure cité qui dessous ciel comprègne siège. Toutes les autres sont de liège, un versel que nul dit. La rivière porte la vie par son droit nom saine et nommé. Nil n'a cité si renommée par toute la chrétienté. Fauvelle faire ses noces, évêque n'abbé porte en crosse, n'a faille pas venir ne mander. Il veut que sans contremander vienne charnalité s'amille, car sans ligne pourrouée il mit. Ivresse, outrage et ribaudi, où vienne et lècherie, corps ou tort, tinson, homicide, hypocrisie, orgueil, accide, l'art saint décor, franaisie, hérésie et bougrie, convoitise. Envie, mensonge, de l'avenir ne fasse songe. Thank you.

personnes, trompes et araignes, vielles, muses et dauphines, psauterions, frottes aux leutes, niotes nulles qui métier se hutent, qui ne fassent ménétroidies, maouti avoué, grande mélodie. La nuit vint qui le jour efface, les fêtes hurent aussi en chasse, car il vouait s'y approcher la nuit que temps est de cocher. Lors vit le jour clair et luisant, s'y m'en allai tôt déduisant au lieu où l'on dut assembler pour jouter. Mes formes tremblaient, tantôt me figeant maute vilaine, que j'encontraille mal étreine. Ce fut aussi le cote-faille veillier fauvel, pour eux appareillier à la joute, et qui l'a étoué au champ tout près, et à sa ouais leur grand chevaux et leur détrier. Mais par grande prérogative, charnalité, l'ardent, la vive, et celle que Fauvel nomme et a pour jouter, sont mieux armées. Virginité qui l'attendit, un tel servantoué l'y rendit, chevauche, garce, dépitaire. Fortune avale est descendue. Grande délibération a eu. Et conseille ô virginité, ô sapience et équité, et avec toutes leurs compagnes. Par conseil sont prises éloignes des joutes quant au temps présent, car fortune, si comme je sens, leur a devoué ressonnefier que combien que soit détrié de juger Fauvel longuement, s'y finira il aidement autant qu'il y a de destiné. Il perdra vie perdurable et revertira au diable. Fauvel, si à j'attends je eus, aux vaines gloires qu'a eues, de Fauvel sans nul compte rendre, trop d'enfants, car trop en engendre, partout à j'a Fauveau nouveau, qui sont trop pires que l'ovau. Hélas, France! Comme ta beauté vêt aujourd'hui en grande ruine par la ménifauveline qui ont au mal mais ses délices, hurtéon si la fleur de lys, fauvel et veine glouer ensemble, quelle chancelle, ce me semble. Marie, Marie, Marie.